premier temps d'une série d'émissions consacrée à l'année 1958 en Algérie, dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le plan de Constantine et l'histoire du réformisme colonial en Algérie. En compagnie de Séverine Yattar, qui co-animera cette série d'émissions avec moi, et de deux historiennes et historiens, Sylvie Thénault, directrice de recherche au CNRS, et Quentin Gasteuil, doctorant sur le socialisme français et le travaillisme britannique face aux questions coloniales à l'ENS Cachan. Nous allons donc évoquer aujourd'hui le réformisme colonial des origines jusqu'au plan de Constantine. L'année 1958 est en effet marquée par le retour au pouvoir du général de Gaulle et par l'annonce en octobre d'un plan de 5 ans pour le développement économique et social en Algérie. Ce plan s'inscrit dans la lignée d'autres plans de réforme remontant pour certains aux années 20. Nous évoquerons également avec Sylvie Thénault, dans la fin de cette émission, les derniers développements de ce que l'historien Pierre Vidal-Naquet avait appelé, dans un ouvrage paru lui aussi en 1958, l'affaire Audin, du nom de ce jeune mathématicien disparu après avoir été enlevé par les militaires en 1957. Les députés Sébastien Jumel et Cédric Villani ont tenu la semaine dernière une conférence de presse, l'un pour demander la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans cette disparition et l'autre de ce même État, donc demandant à ce même État de mettre tout en œuvre pour satisfaire le devoir de vérité et de justice sur l'affaire Audin. Voici les mesures que mon gouvernement va incessamment prescrire pour les 5 années qui viennent, en vertu des pleins pouvoirs qui viennent par la Constitution nouvelle, de lui être tout justement conférés. Pendant ces 5 années-là, les jeunes gens qui entreront dans la métropole, qui entreront dans les corps de l'État, dans l'administration, la magistrature, l'armée, l'enseignement, les services publics, devront être pour un dixième au moins prélevés sur la communauté, les communautés arabes, kabyles et mozabites. Au cours de ces 5 années-là, les traitements et les salaires en Algérie seront mis à un niveau comparable à ce qu'ils sont dans la métropole. Avant le terme de ces 5 années-là, 250 000 hectares de terres nouvelles seront attribués à des cultivateurs musulmans. Avant la fin de ces 5 années-là, la première phase du plan de mise en valeur agricole et industrielle de l'Algérie sera portée à son terme. Cette phase comporte notamment l'arrivée et la distribution du pétrole et du gaz d'Algérie, l'établissement sur ce sol de grands ensembles métallurgiques et chimiques, la construction de logements pour 1 million de personnes, le développement corrélatif de l'équipement sanitaire, des ports, des routes, des transmissions, enfin l'emploi régulier de 400 000 travailleurs nouveaux. À mesure de ces 5 années-là, voilà quelques-unes des annonces qui ont été professées donc par celui qui vient d'arriver et de revenir au pouvoir, à savoir le général de Gaulle, en octobre 1958, dans ce qu'il est communément appelle communément aujourd'hui le plan de Constantine, dont on va parler avec vous, Séverine Yattar. Bonjour. Bonjour. Avec vous, Quentin Gasteuil. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et avec vous, Sylvie Thénault. Bonjour. Bonjour. Alors, ce plan de Constantine, c'est un plan dont on pourrait dire rétrospectivement que c'est un plan de la dernière chance pour la colonisation, puisque c'est celui qui, normalement, tend la main, va ouvrir la possibilité, en particulier à des Arabes, des Kabyles et des Mozabites, de rentrer plus largement dans la citoyenneté. Mais c'est un plan tardif, il intervient donc après le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Il ressemble à beaucoup d'autres plans qui ont été mis en œuvre auparavant, en l'occurrence, où il est très différent, Sylvie Thénault. Ah non, il est dans la parfaite continuité de tous les plans qu'ont envisagé les gouvernements au pouvoir depuis le déclenchement de l'insurrection. Il s'inspire très précisément d'un rapport qui s'appelle le rapport Maspétiole, sur lequel, en janvier 1955 déjà, le gouvernement de Pierre Mendès-France avait élaboré un projet de réforme globale. Et le gouvernement de Pierre Mendès-France est tombé justement lorsqu'il a présenté ce plan de réforme devant l'Assemblée nationale. Ensuite, le général de Gaulle parle dans l'extrait là des pouvoirs qu'il a. En fait, ce sont les pouvoirs spéciaux, la fameuse loi des pouvoirs spéciaux de mars 56, votée en faveur du gouvernement de Guy Mollet. C'est une loi qui est très connue pour son article sur la répression, mais en fait, c'est une loi aussi de réforme administrative et économique. Quand il parle, par exemple, de la redistribution des terres, à la suite des pouvoirs spéciaux en 56, on avait mis en place un organisme déjà de redistribution des terres en faveur des Algériens, qui en fait a eu très peu de résultats, parce que comme on est en guerre, c'est pas vraiment le moment de procéder à une réforme rurale. Donc on est dans une continuité. Ce que de Gaulle a pour lui, la chance qu'il a pour lui par rapport au gouvernement précédent, c'est que lui ne se présente pas devant le Parlement avec son plan de réforme. Donc il peut annoncer toutes les réformes qu'il veut, il ne prend pas de risque politique. En tout cas, pas le risque de perdre le pouvoir en présentant ça. C'est et en même temps, Sylvie Thénault, justement, Guy Mollet, en mettant en place les pouvoirs spéciaux et sa politique, l'idée c'était aussi de contrer un peu l'opposition des gouverneurs sur place, totalement opposés à toute réforme économique et sociale, et notamment ce dont vous parliez, ce plan agricole qui souhaitait donner des terres à des Algériens. Alors deux oppositions, hein, à la fois certains pieds noirs propriétaires en Algérie, et puis aussi le FLN, qui ne tient pas particulièrement à ce que ce plan aboutisse parce que trop populaire finalement aussi peut-être dans la population musulmane. Alors, plusieurs choses. Les gouverneurs généraux, ça dépend un peu lesquels. Si on prend Jacques Soustelle, qui est là, qui est nommé d'ailleurs début 55, lui, il est dans une logique de réforme. Et pour lui, la réforme économique et sociale va de pair avec une façon de repenser ce qu'est l'Algérie dans l'ensemble colonial français. Il a le concept un peu flou d'intégration. C'est pratique parce que c'est flou, justement. Dire l'intégration, ça veut bien dire qu'on veut réformer, mais on ne dit pas jusqu'où on va, etc. Lorsque sous le gouvernement de Guy Mollet, on a Robert Lacoste, qui est un homme assez différent, peut-être a priori favorable aux réformes, mais qui bascule vraiment dans une sorte de tout répressif. Et puis, on est aussi, il ne faut pas évidemment se voiler la face, dans un contexte de guerre, avec un adversaire en face, et qui, en fait, sur la période 55-57, c'est le FLN qui mène le jeu sur le terrain. Donc, les autorités françaises sont d'abord occupées à contrer le FLN. Sur le fait que la réforme pourrait avoir un impact, je dirais, positif auprès des Algériens. Évidemment, en termes économiques et sociaux, une population qui est globalement une population rurale, paupérisée, prolétarisée, source d'une migration énorme vers les villes en Algérie et vers la France, c'est la situation économique, c'est le sous-emploi chronique dans les campagnes et du coup déversoir vers les agglomérations d'Algérie ou vers la France, bien évidemment que les Algériens ne rechigneraient pas à la moindre mesure qui pourrait leur apporter un petit surplus de revenus pour sortir de la survie dans les campagnes. On est au niveau de la survie. Maintenant, là où les gouvernements de l'époque soit se sont aveuglés, soit ont choisi de pas regarder ce plan-là. L'idée que proposer des réformes économiques et sociales pourrait servir à rallier les Algériens à la France, c'est ignorer le fait que la mobilisation algérienne, elle repose d'abord sur la volonté d'accéder à une souveraineté nationale et la défense de repères d'identification qui ne sont pas les repères d'identification français. Depuis l'entre-deux-guerres, les oulémas ont popularisé un slogan disant l'arabe est ma langue, l'islam est ma religion et l'Algérie est ma patrie. Et là, vous pouvez offrir des emplois, développer la scolarisation, fournir des logements. Ça, on ne répond pas à cette revendication-là. En fait, il y a cet anachronisme. Enfin, il est éminemment trop tard pour proposer des plans. Et si on remonte dans le temps, ça date pas forcément d'ailleurs de l'après-Seconde Guerre mondiale, hein. Cette idée que justement, on n'en est plus à la question des réformes coloniales, pour en tous les cas les nationalistes et les mouvements nationalistes, qu'il s'agisse de l'Algérie ou même de l'Indochine, hein, mais il s'agit pour eux d'obtenir l'indépendance et l'autonomie, Quentin Gasteuil. Alors si on remonte même peut-être au début du XXe siècle, ce qui serait intéressant de voir un petit peu l'évolution de ce réformisme de gauche, hein, plutôt... toujours en rapport aussi avec les radicaux et aussi les communistes, hein, parce qu'il y a une espèce de jeu qui se joue comme ça à trois sur les différentes politiques de réforme coloniale, il me semble, à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les socialistes, ce qui est le plus souvent envisagé, c'est d'abord mettre un terme aux abus de la colonisation. Au-delà des réformes, c'est une administration toute puissante dont il faut se débarrasser. Ça va être le refus de l'exploitation des populations locales, la dénonciation du capitalisme colonial. Et en termes de réformes, ce qui va rester globalement dans les années 20, dans les années 30, ça va être mais des choses qu'on retrouve ensuite, c'est-à-dire ça va être l'amélioration de la condition de vie des populations locales, ça va être une redistribution agricole. Mais pas une remise en cause caractéristique ou caractérisée de la colonisation telle qu'elle se produit sur place. Non, le fait colonial est accepté par les socialistes. Ce qu'il faut, c'est le traiter avec les valeurs qui sont celles du socialisme français et du socialisme international, c'est-à-dire de l'humanité, c'est-à-dire de la justice, de l'équité et le respect des populations. Il y a toujours cette idée de mission civilisatrice, hein, oui. qui est dès le départ, hein, finalement, et qui se poursuit. Elle est très présente. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, les socialistes, dans les années 20, les années 30, ajustent cette mission civilisatrice à leur fond idéologique et à leur pensée politique, qui est celle de la défense du petit contre le gros, par exemple. Et en même temps, il semblerait que dans cette partition communiste-socialiste, les communistes, au début, en tous les cas, hein, après la guerre de 14-18, sont beaucoup plus offensifs sur l'idée, enfin, ont un autre discours que les socialistes. D'autant qu'il y a le congrès de Tours de 1920, que pour adhérer à la Troisième Internationale, il faut être pour l'émancipation des peuples. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue justement entre cette politique anticolonialiste des communistes et puis cette politique modérée, réformiste, finalement, des socialistes, Quentin Gasteuil? Ça oblige évidemment les socialistes à se positionner par rapport aux communistes. Et on retrouve pas mal de discours, par exemple, de Blum, où il exprime sa position sur l'indépendance et sur une indépendance immédiate pour les territoires coloniaux, où il dit que les mots d'ordre communistes d'évacuation sont des mots d'ordre simplistes et complètement stupides, finalement, puisque les populations locales sont pas à même de s'administrer toutes seules encore. Et là, on voit que la vision en termes de hiérarchie des races et des civilisations est très présente dans le discours socialiste. L'idée aussi que finalement l'impérialisme français est peut-être moins pire que les autres impérialismes. Et donc si les Français quittaient les territoires d'outre-mer, les populations locales pourraient tomber sous la coupe d'un impérialisme peut-être pire, voire d'un impérialisme, ou en tout cas sous l'autorité d'un fanatisme religieux, nationaliste, qui est très mal vu par les socialistes. Et peut-être qu'on pourra revenir tout à l'heure sur le rapport au mouvement nationaliste. Sylvie Thénault, tout de même, lorsque des gouvernements dans les années 20 ou dans les années 30 tentent justement ce qu'on appelle le réformisme colonial en Algérie, c'est souvent voué à l'échec. On se souvient du plan Blum-Violette, par exemple. Mm-hmm. Et donc, ça ne marche pas véritablement, même pendant une période assez faste, qui est la période du Front populaire. On n'arrive pas à mettre en œuvre un véritable réformisme dans cette colonie très particulière qui est l'Algérie, ces trois départements français pendant les années 30. Mais surtout que dans les années 30, le fameux projet Blum-Violette, il est en matière politique. Hein. L'attention pour le développement économique social, c'est typiquement post-45. On fait le constat d'une sous-industrialisation de l'Algérie, c'est la plaie, c'est vraiment du post-45. Dans les années 30... Mais donc dans une logique de plan, parce qu'il faut souvenir aussi que la reconstruction en France est accompagnée aussi d'un plan, plan quinquennal, et avec cette idée qu'on va planifier la production, et donc on fait la même chose pour le territoire algérien après 1945. Mais auparavant, ça n'est pas le cas. C'est absolument vrai. Dans les années 30, on est dans un autre contexte. On est dans le contexte où, en fait, les Algériens s'organisent collectivement. Le premier parti qui revendique l'indépendance a été fondé en 1927, l'Étoile nord-africaine. Et en Algérie, il y a tout un mouvement associatif très fort, avec les fameux oulémas dont je parlais tout à l'heure. Le slogan que j'ai cité est extrêmement populaire. Et puis, il y a aussi le mouvement que représente Ferhat Abbas, qui est un mouvement qu'on peut qualifier de républicain, qui réclame l'égalité des droits. Donc on est beaucoup plus focalisé sur le politique. Le projet Bloom-Violette, c'est un projet d'extension de la citoyenneté française pleine et entière à certaines catégories d'Algériens, suivant un certain nombre de critères propriétaires d'un certain niveau. Des gens qui ont atteint dans la société des niveaux qui leur permettraient d'exercer les droits du citoyen. Et là, les gouvernements butent sur l'opposition des Français d'Algérie. Parce que il faut bien voir et d'une partie de ceux qui commencent à réclamer l'indépendance aussi, qui n'en veulent pas. Sûr, voilà. Bien évidemment, qui ne veulent pas qu'une partie de la population algérienne soit séparée de l'autre partie. D'une certaine façon. Oui, alors évidemment, quand Séverine Liattard disait tout à l'heure, il est trop tard en 58. En fait, ça n'a jamais été le moment. l'étoile nord-africaine dans les années 30, c'est le Parti du peuple algérien qui prend le relais. Le Parti du peuple algérien veut pas de réformes. Il en a strictement rien à faire, y compris des réformes politiques, parce que l'accès à la citoyenneté française n'est pas ce que revendique un mouvement indépendantiste. Il revendique la souveraineté nationale pleine et entière ou une forme de souveraineté collective. Mais l'accès individuel à des citoyennetés sur sélection, ça ne peut pas satisfaire les mouvements revendicatifs algériens. En tout cas, le projet Bloom-Violette, très précisément, il échoue sur l'opposition des représentants des Français d'Algérie. On a déjà un rapport démographique extrêmement défavorable. Au moment, en 54, vous avez à peu près 1 million de Français d'Algérie, 8 millions d'Algériens. Donc la seule condition pour que les Français d'Algérie puissent continuer à avoir une suprématie, c'est qu'il y ait un double collège d'électeurs et que les Algériens accédant au premier collège restent très peu nombreux. Parce que sinon, évidemment, c'est la submersion démographique. C'est 20 000, 6 millions, la proportion, je crois, à peu près à cette époque. 6 millions d'Algériens, 20 000, et 20 000 électeurs, on propose dans le projet Violette. Oui, mais en fait, ils se projettent. Parce que, en fait, quand on dit ça, on raisonne à l'instant T. Mais en fait, l'accès à la citoyenneté française, il repose sur un certain nombre de qualités. Donc l'idée, c'est que si la masse des Algériens augmente, la masse de ceux qui remplissent les critères va aussi augmenter. Et c'est comme ça qu'ils refusent le projet. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut leur dire 25 000. Bon, mais en fait, c'est 25 000 au moment où le projet aurait été adopté. Mais on est dans une situation où il y a cette dite démographie galopante algérienne. Donc, en fait, il peut y avoir cette crainte que dans 10 ou 20 ans, ce sera plus 25 000, que ceux qui rempliront les critères seront beaucoup plus nombreux. Donc, il y a la submersion continue de se profiler. Et à l'intérieur, Quentin Gasteuil, de la SFIO elle-même, on est quand même au moment du Front Populaire, Rassemblement Populaire, Grand Espoir, pour l'émancipation des peuples, parce qu'il y a tout un discours autour de ça, même si il reste réformiste. Vous qui travaillez sur Marceau Pivert, il y a cette gauche révolutionnaire qui veut aller plus loin, pas seulement en ce qui concerne les questions coloniales, mais aussi dans les questions politiques. En tous les cas, c'est aussi le parti la branche, on va dire, de la SFIO, à laquelle se rallie, par exemple, Messa Alliadj, aussi, du PPA, même si pour lui, c'est un peu compliqué de soutenir le projet Bloom-Violette sans le soutenir. Est-ce qu'il doit rompre totalement avec la SFIO? Donc là, il y a tout aussi des divergences internes aussi à la SFIO à ce moment-là. Quentin Gasteuil. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui se passe au sein de la SFIO et ensuite ce qui se passe dans le Rassemblement populaire et avec le gouvernement de Front populaire, c'est le degré d'approfondissement est pas le même. Par exemple, au congrès de 36 de la SFIO, il y a un cahier de revendications algériennes qui est proposé par les délégués des fédérations algériennes du parti et qui est voté et qui est pour le coup plus avancé que uniquement le projet Bloom-Violette, c'est-à-dire suppression du gouvernement général, suppression des délégations financières, suppression des communes mixtes, égalité de salaire, de traitement, liberté individuelle, etc. Donc il y a tout un cahier de revendications avec des revendications de nature différente qui est proposé et adopté par le parti. Après, il y a le parti, mais il y a aussi la SFIO n'est pas toute seule au pouvoir au moment du Front populaire. Et donc très vite, on se rabat uniquement sur le projet Bloom-Violette. Et en fait, quand on regarde les revendications de la gauche révolutionnaire, par exemple, que vous évoquiez de Marceau Pivert, alors certes, il y a la gauche révolutionnaire est plus avancée que le reste du parti sur ces questions-là. Mais en fait, le décalage entre les revendications coloniales de la gauche révolutionnaire et ce qui est proposé par la SFIO, par exemple, au Congrès 36, n'est pas énorme. C'est juste que très rapidement, la SFIO se met uniquement à défendre le projet Bloom-Violette, alors que la gauche révolutionnaire, par exemple, reste sur les positions qui étaient plus avancées au moment de. Vous avez fait votre master d'histoire sur Marceau Pivert, sur cette gauche révolutionnaire, et puis vous êtes en train d'écrire, travailler pour une thèse sur la comparaison avec la Grande-Bretagne entre travaillistes britanniques et socialistes français. Quentin Gasteuil, qu'en est-il justement de ces regards trans-manche justement sur cette question de la colonisation? Est-ce qu'on a de l'autre côté, chez les Britanniques, un regard différent que celui qui est porté par les socialistes français? Est-ce que ces tensions que l'on sent au sein de la SFIO, entre différentes branches de la SFIO, sont aussi marquées chez les travaillistes britanniques dans ces années 20 et 30? Il y a une similitude assez frappante, notamment dans le rapport entretenu par l'Independent Labour Party de Fenner Brockway au moment avec le gouvernement dirigé par les travaillistes en 29-31, qui est le rapport de cette gauche du parti travailliste avec l'expérience gouvernementale est assez proche de celle de la gauche révolutionnaire avec l'exercice du pouvoir par le Front populaire, c'est-à-dire une vraie volonté d'aller plus loin en faveur des populations colonisées, une volonté réelle de réforme finalement dans l'empire et un gouvernement qui reste très très modéré. En deçà. Exactement. Et pour les travaillistes, c'est encore plus frappant. L'objectif des travaillistes, c'est de montrer que un gouvernement travailliste, ça ne doit pas faire peur et ils sont capables de gérer l'empire loyalement. Donc forcément, en termes d'avancée et de revendication, c'est pas l'idéal. D'autant qu'il y a toujours cette problématique, de toute façon, chez les communistes et les socialistes, la question, enfin, et surtout en ce qui concerne la gauche révolutionnaire, par exemple, cette question de la lutte des classes aussi, c'est-à-dire la lutte des classes avant l'émancipation des colonisés. Enfin, on retrouve toujours cette problématique. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'incapacité à penser la question nationale dans les territoires coloniaux et à toujours privilégier la lecture classiste et finalement par le prisme du marxisme et de la lutte des classes. Et donc ce qui empêche de comprendre ce qui monte dans les années 30, enfin qui est en gestation avant, mais qui monte dans les années 30 et puis qui s'exprime encore plus après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une vraie incapacité à penser ça. Sylvie Thénault, même, on parle de la gauche, là, en l'occurrence, et en particulier la SFIO pendant ces années 20 et ces années 30. Y a-t-il des projets de réforme, parce que autant que je sache, Général de Gaulle n'est pas un homme de gauche, en tout cas il ne s'est jamais revendiqué comme tel, en 1958 en tous les cas. Il y avait des gaullistes de gauche quand même. Oui, il y avait des gaullistes de gauche, il avait même des socialistes dans son propre gouvernement, mais en l'occurrence qu'est-ce qu'on sait justement de tentatives de réforme de droite ou venant des gouvernements de droite vis-à-vis de cette colonisation en Algérie? Y en a-t-il dans ces années 20-30, il y a des projets ou n'y en a-t-il aucun? Non. Là, peut-être que Quentin Gasteuil pourrait confirmer, mais il me semble que l'histoire du réformisme colonial, c'est qu'il s'étend au-delà de la gauche après 45, dans l'entre-deux-guerres, c'est un projet de gauche, le réformisme colonial, qui s'inscrit dans le cadre qui a été dit précédemment, hein, qui s'inscrit finalement dans un projet républicain de mise en conformité de la situation économique, sociale et politique des colonies avec la situation métropolitaine et l'accrochage à cette l'idée de cette mission civilisatrice. Et puis après 1945, face à l'élargissement de l'assise des mouvements nationalistes et des revendications indépendantistes, là, tout le monde est progressivement gagné à l'idée qu'il va falloir réformer, parce que vraiment, on n'a plus le choix. Oui, si on ne réforme pas, on va perdre l'Algérie. Et alors, cette réforme, elle se met en place selon quels critères pendant ces années 1945-1958, donc fin de la Seconde Guerre mondiale et arrivée de De Gaulle au pouvoir et plan de Constantine? Qu'est-ce qui se passe justement pendant ces quelques années et quelles sont ces tentatives, généralement tout avorté d'ailleurs, de réforme coloniale en Algérie, Civiteno? Bah, il y a d'abord le statut de 1947 qui est, je ne vais pas parler en termes d'occasion manquée parce que ça voudrait dire que les réformes auraient pu résoudre la situation, ce que je ne pense pas, mais qui est effectivement quand même le moment où on bute aussi toujours sur la forme de cette société coloniale, sur le fond. Le problème reste qu'on a affaire quand même à une colonie de peuplement dans laquelle il y a une inversion entre le rapport de force démographique et le rapport de force politique, sociale et économique. Je m'explique, la minorité est européenne, mais elle est en situation de majorité sociologique, c'est-à-dire qu'elle a la suprématie en matière politique, en matière sociale, en matière économique. À l'inverse, la majorité démographique des Algériens est en situation d'infériorité dans tous les domaines. Et la société coloniale repose sur ce déséquilibre. Les réformes, profondément, l'idée, c'est de permettre aux Algériens corriger les inégalités, parce qu'on comprend bien qu'il y a là une source de mécontentement, d'agitation, de manifestation, etc. Mais du point de vue des Français d'Algérie, c'est perdre leur suprématie. C'est ça le nœud problématique des réformes qui est pratiquement insoluble, à mon avis. Donc le statut de 47, fondamentalement, sa première décision, c'est de créer une assemblée algérienne qui a un nombre de représentants équivalent pour les dits musulmans et les dits français pleinement citoyens. Simplement, ils ont le même nombre de représentants, mais en étant séparés en deux collèges d'électeurs. Donc, il n'y a pas le principe « un homme, une voix ». La réforme économique et sociale, elle est pensée vraiment d'abord parce que le problème économique et social, c'est aussi un problème de sécurité. C'est les bidonvilles dans les grandes villes, c'est l'immigration vers la France. Tout ça est perçu comme des sources de danger. Hein. C'est une population dangereuse potentiellement, c'est cette masse algérienne paupérisée. Mais, une fois encore, avant De Gaulle, les projets avortent. Et puis, il y a un dernier volet qui a été très légèrement abordé tout à l'heure sur l'entre-deux-guerres, qui est la réforme administrative. Ça, on s'y intéresse peu parce que c'est assez ardu et on comprend pas forcément les enjeux. Mais pour être clair, si je prends le cas des communes, il y avait deux types de communes en Algérie, des communes avec un conseil municipal et un maire élu, double collège, mais quand même, il y a un conseil municipal et un maire. La majorité des Algériens, ils vivaient dans des communes qu'on appelait des communes mixtes, dans lesquelles il n'y avait pas d'élection. C'était un administrateur qui gérait la commune. Et donc, la réforme administrative, c'est d'abord aller vers la réforme des communes mixtes, ou à minima, au pire, leur suppression. Pour qu'au moins à l'échelon local, il y ait un semblant de représentativité. Et là, on bute toujours, parce que ce double système communal, il est aussi un des moyens de préserver la suprématie de la minorité européenne. Mais c'est ce que va essayer d'ailleurs Borges Monory. La loi cadre. Et c'est pour ça que je disais au début de l'émission que tous les gouvernements avant De Gaulle tombe. Lui, il arrive en 58, il met tout en œuvre. Le collège unique en juin, le plan de Constantine en octobre, il fait l'appel à la paix des braves sur le plan militaire, parce que lui, une fois encore, il ne se présente pas devant le Parlement avec ses mesures. Quentin Gasteuil, ces socialistes dont on a parlé pour l'entre-deux-guerres, ils sont encore plus tiraillés pendant l'après-Seconde Guerre mondiale, et avec justement cette nécessité de devoir quand même faire des réformes, ou de devoir les imaginer, sans parfois toujours les mettre en œuvre, et puis avec évidemment l'arrivée au pouvoir en 1956 d'un socialiste et d'un gouvernement socialiste qui va évidemment accélérer encore la montée des périls dans cette guerre d'Algérie avec Guy Mollet et tous ceux qui sont avec lui. Le statut de 47 dont on a parlé, il est mis en place avec un ministre de l'Intérieur qui est socialiste. Et puis le trucage des élections en 48 juste après est supervisé par un gouverneur socialiste, Nejlen. Donc les socialistes prennent part à ce rapport compliqué en tout cas avec la réforme en Algérie. À partir du déclenchement de la guerre en 54, progressivement, les socialistes vont essayer de, eux aussi, de trouver des solutions pour interrompre le conflit par la réforme. Et encore une fois, il y a cette volonté de penser la réforme comme étant la solution à tout en Algérie. Et ça dure jusqu'en 56. Mollet arrive au pouvoir et dans l'idée de Mollet, c'est mettre un terme au conflit armé et mettre en place des réformes, les deux devant fonctionner ensemble, sauf que rapidement le volet militaire prend évidemment le pas sur le volet réformiste, puisque les temporalités sont pas les mêmes finalement. Le volet militaire peut être mis en place tout de suite, alors que les réformes prennent évidemment du temps. Est-ce qu'il y a un décalage, comme durant les années 30 d'ailleurs, entre justement la direction, les volontés de la SFIO et les électeurs socialistes, je pense aussi aux sections socialistes en Algérie, qui sont pas forcément, qui sont animées d'ailleurs évidemment pour la plupart par des Européens, et qui ne sont pas favorables forcément à toutes ces réformes. Il y a quand même un certain libéralisme chez les socialistes d'Algérie. Ce qui frappe dans le Parti socialiste, c'est que les opposants à la politique de Mollet, par exemple, restent toujours minoritaires. Cette opposition, elle se structure à partir de mi-56, puis début 57, et puis ensuite partira sur d'autres questions en 58, même si la politique algérienne a joué, mais reste minoritaire. Et dans les congrès, alors on peut parler de la démocratie dans le parti, mais dans les congrès, le gouvernement reste soutenu, la politique qu'il préconise reste majoritairement acceptée par le parti. Donc c'est toujours compliqué de... Finalement, est-ce que le parti soutient Mollet ? Oui. Que pensent vraiment les électeurs socialistes ? Ça reste compliqué. Sylvie Tenno. En fait, je crois qu'il y a une question importante sur ce réformisme colonial, c'est qu'est-ce que ça aurait changé ? Parce que longtemps... On va faire de la what if history, on va faire de l'uchronie. Non, je ne m'y risquerai pas. Mais en fait, ça a alimenté quand même toute une façon d'écrire l'histoire de l'Algérie à la période coloniale, qui était représentée par un éminent historien auquel nous devons tous beaucoup, qui est Charles-Robert Ageron. Charles-Robert Ageron a développé une vision de cette histoire, très focalisée sur le politique d'ailleurs, mais... tendant à interpréter justement l'idée que si la décolonisation de l'Algérie a été si violente et si on en est arrivé à une guerre, c'est parce que les occasions ont été manquées et parce que les réformes n'ont pas été réellement mises en œuvre. Alors évidemment, d'un point de vue algérien, c'est un point de vue qui est dénoncé comme colonialiste, parce que est-ce que ça voudrait dire que si les réformes avaient été mises en œuvre, l'Algérie serait restée française ? Pas dans l'idée d'Ageron et pas dans l'idée y compris de réformistes de l'époque. Qu'est-ce que ça aurait pu changer ? Je pense que sur le plan économique et social, ça aurait fait de mal à personne quand même, déjà quand même, il faut le dire, parce qu'on a, je crois, un peu oublié la mesure de la pauvreté des campagnes algériennes. On est toujours dans une lecture très politique qui oublie ça, mais elle est absolument énorme. Surtout, on peut imaginer que ça aurait peut-être permis... Je pense là au volet politique. Si les Algériens avaient pu élire de façon un tout petit peu plus démocratique, ça n'aurait pas été difficile, des représentants légitimés par leur élection, on peut supposer qu'il y aurait eu du coup des personnes pour porter les revendications algériennes qui auraient pu constituer des interlocuteurs pour les gouvernements et donc que la sortie du lien colonial... Je ne veux pas dire qu'elle était inéluctable, mais enfin quand même, au moins la réforme du lien colonial pour aller à minima vers une autonomie, ça aurait pu passer par des échanges avec ses interlocuteurs légitimement élus. D'autre part, on n'aurait pas eu de doute qui continue à alimenter des discours qu'on pourrait qualifier un peu vite de révisionnistes sur le mode « les Algériens ne voulaient pas l'indépendance, la majorité des Algériens ne voulaient pas l'indépendance ». Vous ne pouvez pas donner de scores électoraux, puisque, on l'a rappelé, le peu d'élections qu'il y avait au double collège, de toute façon, elles étaient truquées. Donc, moi, ça me semble très important de réfléchir à cette question sur qu'est-ce que ça aurait changé in fine. Et peut-être pas complètement évité la violence, mais ça aurait peut-être permis une légitimité plus grande des revendications exprimées, et peut-être le passage aussi par des discussions, des négociations. Mais on pourrait aussi se poser une question annexe à la vôtre, en l'occurrence Sylvie Thénault, c'est pourquoi ça n'a pas marché ? C'est-à-dire que pourquoi aucun de ces plans de réforme n'a véritablement fonctionné ? Alors on dit pour le plan de Constantine qu'il est trop tardif, oui. On dit pour les oui, autres qu'ils vrai. Étaient interdits ou impossibles parce qu'il y avait des oppositions soit au sein des socialistes, soit au sein des gens qui vivaient en des Français d'Algérie. Enfin, toujours est-il qu'aucun de ces plans n'a été oui. véritablement jusqu'au bout. Pour moi, il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la profondeur de la fracture de la société coloniale. Je cite de mémoire des statistiques de 59 sur l'étude de la structure de la population active en Algérie. C'est caricatural. Vous avez 90% de la population active musulmane qui est dans le secteur primaire. Côté européen, c'est 9%. Et à l'intérieur de cette population active du secteur primaire, chez les 10 musulmans, ce qui domine, c'est ce qu'on appelle les aides familiaux, c'est-à-dire en fait les gens de la famille qui travaillent sur la petite exploitation familiale de petite superficie qui permet à peine la survie. Alors que chez les Européens, les 9%, c'est de la grande propriété mécanisée, etc. Et puis, du coup, à l'inverse, secteur secondaire, secteur tertiaire, les Algériens sont pratiquement pas présents. C'est caricatural quand même, ces 90%. Mmh. Souvent, on l'argumente au niveau politique, mais il faut imaginer ensuite, donc d'abord au niveau économique, ce que ça veut dire, et en termes de hiérarchie de revenus aussi. Et puis au niveau de la scolarisation, c'est aussi complètement scandaleux. C'est 80%, 54% des enfants musulmans qui ne sont pas scolarisés. Oui, c'est même, admet en général 15% de ceux qui sont en âge d'être allés à l'école qui y vont. Quentin Gasteuil, un dernier mot justement sur ce réformisme et ses échecs. Ce que dit Sylvie Thénault se retrouve chez les socialistes, c'est-à-dire cette incapacité à avoir conscience de la réalité du terrain colonial. Alors évidemment, si on prend en tout cas la fin des années 30, les délégués des fédérations algériennes viennent parler à la tribune des congrès socialistes et essayent de mettre devant les yeux de leurs camarades métropolitains la réalité de la situation coloniale en Algérie. Mais finalement, les projets qui sont proposés ne sont jamais à la hauteur de cette pauvreté, de la profondeur, comme vous le disiez Sylvie, de la fracture coloniale. Mais c'est jamais prioritaire, il semblerait. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui émergent, réformistes, il faut effectivement éduquer, la mission civilisatrice, etc. Mais il y a toujours des choses dans la politique intérieure prioritaires, il semblerait-il, oui. Enfin souvent en tous les cas, qui font que, ou alors les moyens ne sont pas mis administrativement, politiquement, pour que les commissions justement aillent sur place, voir exactement ce qui se passe. Oui, c'est vrai aussi que la question coloniale, elle est majeure après 45, mais au milieu d'autres impératifs, ça c'est évident, oui, bien sûr. Alors, cette année 1958, c'était l'année du plan de Constantine, du retour au pouvoir du général de Gaulle, on l'a dit depuis le début de cette émission, mais c'est aussi le moment où paraît, en France, un livre qui fait beaucoup de bruit, qui s'appelle « L'affaire Audin ». Il est signé, ce livre, de Pierre Vidal-Naquet. Il traite du cas d'une disparition, on ne sait pas encore ce qu'il en est véritablement, et c'est une enquête d'un historien, Pierre Vidal-Naquet, spécialiste de Grèce antique, mais également d'un citoyen, qui va tenter de comprendre ce qui est arrivé à ce mathématicien très jeune, membre du PC algérien, disparu donc en 1957, en pleine bataille d'Alger, c'est comme ça qu'on appelle ce moment, enlevé par des militaires. Cette affaire a été récemment relancée, à nouveau, parce qu'il y a toujours des relances très régulières autour de l'affaire Audin, avec une conférence de presse, c'était la semaine dernière, de deux députés, un député communiste, Sébastien Jumel, et un député République En Marche, Cédric Villani, qui tous les deux veulent faire, disons, la vérité sur l'affaire Audin. Maurice Audin était un militant communiste et il était aussi mathématicien. Et dès le début de cette affaire, le mensonge fabriqué est devenu d'une certaine manière un mensonge d'État. Toute la vérité n'est pas bonne à dire et cette vérité devant l'opinion aurait pu conduire à une remise en cause de la répression, l'horreur mise en œuvre en Algérie. Je serai court, mais je veux rappeler devant vous qu'en 2014, pour la première fois au plus haut niveau de l'État, François Hollande, pour ne pas le citer, a reconnu que Maurice Audin était bien mort pendant sa détention et non pas évadé, comme les archives fabriquées l'avaient suggéré. Aujourd'hui même, les plus prudents des historiens reconnaissent, admettent que Maurice Audin, comme communiste engagé, a été victime de la torture et du système répressif et reconnaissent que, de fait, la responsabilité de l'État est engagée. Aujourd'hui, l'initiative que nous organisons, en prolongement des différents combats menés avant nous, vise à obtenir une reconnaissance officielle devant l'opinion. Et je me permets de le dire, Cédric le dira avec ses mots, l'engagement de la responsabilité de l'État dans la disparition et dans l'assassinat de Maurice Audin. Nous sommes face à une affaire qui nous interpelle en tant qu'humains, en tant que Français, engagés au service de la vérité et de la mémoire et du progrès de la nation. Je suis convaincu et j'appelle de mes voeux qu'il y ait davantage d'expressions officielles à ce sujet. Ensuite, je pense que c'était un pas très important d'ouvrir les archives. Je pense que davantage peut être fait en termes d'accompagnement de la démarche de la famille et de façon de mettre tout en œuvre pour ce travail de vérité. Il est possible que malgré toute la bonne volonté du monde, aucune archive, aucun document n'émerge pour affirmer d'une façon que l'État reconnaisse comme certaine ce qui s'est passé exactement. Il n'empêche, c'est le devoir de l'État de tout mettre en œuvre pour que cela puisse être possible, faire travailler les historiens, faire travailler le débat public, favoriser la collaboration et les échanges de part et d'autre de la Méditerranée à ce sujet. Il est possible qu'aucun document d'archives ne puisse apparaître pour donner la vérité sur l'affaire Audin. C'est ce que dit Cédric Villani, qui néanmoins demande au président de prendre la parole et de mettre tout en œuvre pour satisfaire le devoir de vérité et de justice. Vous êtes la meilleure spécialiste de cette affaire Audin, Sylvie Thénault, en tant qu'historienne. Vous avez suivi tous les rebondissements depuis des années maintenant de cette affaire. Quelques années, oui. Et qu'est-ce que, justement, ce nouveau rebondissement nous dit de l'état de l'opinion, de l'état des hommes politiques vis-à-vis de cette affaire, donc de disparition d'un jeune mathématicien brillant à Alger pendant la bataille d'Alger en 1957 et donc sa mort, évidemment, qui avait été pendant très longtemps maquillée. Une parole positive, un progrès bien sûr, parce que les mots de François Hollande, moi, m'avaient beaucoup choqué. Il est mort durant sa détention, très bien, comment il s'est suicidé dans sa cellule. Donc c'était une façon de nier la responsabilité de l'État. Il y avait un progrès sur le fait qu'on arrêtait de penser qu'il s'était évadé, version donnée par les militaires. Donc la responsabilité de l'État, moi je crois aujourd'hui, que quelles que soient les difficultés de l'enquête, on a les éléments pour la reconnaître. En gros, il y a trois hypothèses aujourd'hui. Celle que défendait Pierre Vidal-Naquet dans l'affaire Audin, c'est que Maurice Audin a été étranglé par son tortionnaire, le lieutenant Charbonnier. Mais Pierre Vidal-Naquet n'a jamais pu donner de preuves de cette version qui reposait sur les dires d'un policier en poste à Alger. Deuxième version importante, il faut rendre ici hommage à l'enquête qu'a menée Nathalie Funès de l'Obs à partir de 2011 sur un manuscrit du colonel Godard. Et le colonel Godard, qui était aussi à Alger en 57, dit que Maurice Audin a été exécuté par un commando du général Ossarès et précisément par le lieutenant Garcet. Fragile, hein, là aussi on ne peut absolument pas trouver de preuves. Garcet est décédé aujourd'hui, mais il était encore en vie au moment où Nathalie Funès a fait son enquête. Bon, en tout cas, il a nié être l'exécuteur d'Audin. En tout cas, l'hypothèse demeure. Dernière hypothèse qu'on ne peut pas écarter, c'est que Maurice Audin soit décédé pendant la séance de torture sous l'effet des mauvais traitements. En tout cas, vous voyez bien que quelle que soit l'hypothèse, la responsabilité de l'État, elle est engagée. Ce ne sont pas les mêmes individus, ce ne sont pas les mêmes procédés, mais on peut avoir une parole de reconnaissance. Et dans ce que dit Cédric Villani sur ces questions, on n'aura peut-être pas l'archive définitive. Oui. Vous le dites souvent, oui, ça, vous, en tant qu'historienne, parce qu'on attend la preuve définitive. Voilà. Alors, je pense que si les historiens qui écoutent n'auront aucun mal à comprendre, et c'est aussi ce qu'il a fallu essayer de faire comprendre à Josette, Pierre et Michel, et ils l'entendent, ils le comprennent, puisqu'ils ont eu quand même accès aux archives sur décision de François Hollande, on leur a ouvert quantité de documents. Les archives publiques sont les documents produits par les services et les administrations de l'État. Donc, par exemple, si vous allez dans les archives de la justice, vous trouvez tous les documents autour de l'enquête sur l'évasion. Mais du coup, vous allez trouver les procès-verbaux des interrogatoires des militaires qui racontent l'évasion. Si vous allez dans les archives militaires, vous trouvez, par exemple, le registre de garde de l'endroit où Maurice Audin était détenu, et puis vous avez sur la page du registre, à telle heure, une Jeep sort. Ben oui, c'est vrai, une Jeep est sortie à ce moment-là. Donc, en fait, les documents qu'on trouve dans les archives sont les documents qui ont été produits par le mensonge de l'évasion, parce que ce sont ceux produits à l'époque. Si on imagine que la vérité existe dans les archives, ça veut dire qu'on suppose qu'à l'époque, quelqu'un a trouvé la vérité. Ensuite, que cette personne l'a mise par écrit. L'a consignée par écrit. Et ensuite, qu'on puisse retrouver ce document aujourd'hui. C'est quand même très peu probable. Donc il me semble qu'aujourd'hui, une recherche dans les archives, elle ne peut être que ciblée. Quand on a un témoignage, comme celui qui est paru dans l'Humanité, eh bien, il faut essayer de réfléchir à quel endroit on peut trouver un document qui nous permettrait éventuellement de vérifier le témoignage. Dernier élément, moi j'assume mes responsabilités d'historienne et personnellement je ferai tout ce que je peux si c'est possible pour aller dans le sens de la vérité. Mais quand on voit le témoignage paru dans l'Humanité le 14 février, il y a pratiquement une semaine, on voit bien qu'en fait la recherche de la vérité, ce sont pas des moyens d'enquête des historiens. Le monsieur dans l'Humanité dit « j'ai enterré en 57 un corps qui est peut-être celui de Maurice Audin ». Qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien il faut repérer le lieu, il faut y aller, sonder le sol, faire des prélèvements et des analyses. Ce ne sont pas des historiens qui vont faire ça. Merci beaucoup d'avoir donné votre avis, Sylvie Thénault, en plus d'être venue pour parler du plan de Constantine et du réformisme colonial sur cette affaire Audin, relancée très récemment par cet article de l'Humanité du 14 février, mais également par cette conférence de presse la semaine dernière de Cédric Villani et de Sébastien Jumel. Demain, nous aurons un autre volet de notre travail sur 1958 en Algérie et vous l'avez mené, Séverine Attard, avec Marie-Laure Ciboulet. Oui, donc un documentaire sur le SFJA, donc le service de formation des jeunes filles en Algérie, un service qui avait été mis en place pour les garçons et pour les filles, donc en 1958, au moment de la pacification, et qui pose voilà la problématique de... Donc c'était des jeunes femmes qui étaient envoyées, qui avaient une formation à Nantes pendant 9 mois, des femmes à la fois musulmanes et européennes. Donc il y avait cette idée qu'il fallait que ce soit mixte, hein, que ces monitrices voilà seraient de multiples, de toutes les origines voilà de l'Algérie à cette époque, et qui vont partir dans des foyers pour notamment éduquer les filles, alors scolairement, et puis leur donner aussi l'enseignement ménager, parce qu'à l'époque, c'est ce qui est dispensé comme enseignement aux filles aussi d'ailleurs en métropole. Et voilà, et toute la problématique aussi, ce sont donc des femmes qui vont se retrouver sur des terrains opérationnels, dans un organisme qui est hybride, parce qu'il est à la fois civil et militaire, mais ces femmes ne sont pas militaires, mais elles sont encadrées par des militaires, et donc voilà, ces femmes nous font le récit de cette histoire qui n'a pas duré très longtemps, hein, de 58 à 62, avec l'aide de l'historien qui a mené un travail de recherche avec elle sur le sujet, Luc Capdevila. Il fallait chercher les filles. Là, c'était tout un problème parce que les parents se méfiaient. Donc, on allait avec deux, des fois, militaires. On n'allait jamais seul. On était toujours les deux monitrices ensemble. Même en rentrant, on ne sait pas ce qui nous attendait, quoi. C'était pas facile. Un jour, j'ai une fille qui est arrivée en pleurs parce que son frère ne voulait plus qu'elle vienne, parce que c'était pas des filles sérieuses qui venaient apprendre à lire et qui allaient à l'école. C'était pas des filles bonnes à marier. Et elle pleurait, elle voulait continuer. Alors je lui ai dit, tu vas dire à ton père que je voudrais lui parler. On négocie avec le père. La mère, non, elle disait rien du tout. Mais si on trouve la grand-mère, surtout la grand-mère paternelle, c'est elle qui commande. Donc on la met de notre côté et on obtient toujours gain de cause. Et vous saviez ça, Myriam, peut-être plus qu'une monitrice française de souche européenne, hein, parce que vous êtes musulmane, donc vous connaissez le système familial. Je connais ça sans bien connaître, parce que pendant la guerre, tous les petits paysans, ils les ont regroupés dans un village spécialement pour eux, et on appelait ça le village nègre. Donc je ne connaissais pas cette population, mais ils étaient bien pauvres. Lorsque nous avions des élèves absentes, c'est là où nous avions un rôle important. J'allais avec ma collègue Aïcha, on allait dans le Loir. Les femmes nous posaient beaucoup de questions. C'était, mais comment vous, deux filles, comme ça vous êtes seules, vos parents vous ont laissé partir, comment vous pouvez travailler avec tous ces messieurs qui sont à côté? Et surtout, elles demandaient le salaire. Alors là, c'était montré que, eh ben, on avait le même salaire. Parce que on n'a pas eu une action psychologique, ou peut-être qu'elle était faite d'une manière diffuse, mais on nous a pas inculqué des manières, voilà, ostentatoires, voilà, un peu ça, de la, voilà, propagande. On le faisait naturellement et ça partait tellement d'une bonne volonté, je dirais presque d'une foi. J'avais peur. Une fois, j'ai tellement eu peur que j'ai tiré mon matelas pour dormir dans le couloir. Alors je me suis dit, là, je serai à l'abri des coups de fusil. J'étais toujours seule. J'ai eu deux aides. Une fois, Mokhtaria, qui est venue, qui est restée 3 semaines, et puis disparue en laissant ses affaires et plus rien. Alors là, c'est Myriam qui est venue. Et pareil, au bout de quelques temps, plouf, toute seule. Alors, je demandais quand même qu'est-ce qui se passait, mais personne ne savait rien. Personne. Bien sûr, c'était la guerre, c'était la peur. Dans le foyer, le soir, on entendait les tirs, des coups de feu des deux côtés. Alors là, on a eu peur, puis le jour se lève, on oublie. Quand je suis au foyer, j'oublie tout. Avec les filles, on oublie tout. Voilà quelques extraits du documentaire qu'on pourra entendre demain, donc que vous avez signé, Séverine Yattar, avec Marie-Laure Ciboulé. Cette émission était préparée, comme d'habitude, par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Pierrick Monsigny nous a accompagnés à la technique et Marie-Laure Ciboulé à la réalisation. Nous continuerons donc cette série sur 1958 en Algérie, mercredi par une émission sur l'internationalisation du conflit et jeudi par la question qui est celle des la place des soldats de l'armée en Algérie en 1958.